Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur, pour la grâce. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand surviendront les problèmes de ce monde, donne-moi de résister. Quand surviendront les soucis, les problèmes, moi de résister. Quand arriveront la souffrance, la misère, donne-moi de résister. Quand viendront la persécution dans ma vie, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, oh Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand surviendront les persécutions, de résister. Alléluia. Quand surviendront les soucis de ce monde, alléluia. Quand surviendront le manque d'argent, pas d'entendre, mais quand je n'aurai plus de famille pour m'appuyer, quand je ne saurai plus vers qui me tourner, Jésus, oh, alléluia. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, oh Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister, alléluia, papa. Lorsque les soucis arriveront, alléluia, donne-moi de résister, de continuer à te servir. Les problèmes arriveront toujours, Seigneur, mais qui suis-je pour m'éloigner de ta présence? Alléluia. Je veux m'enraciner en toi chaque jour de ma vie, trouver ma joie, ma paix, et non dans l'argent, dans les soucis, non dans les amis, pas l'amitié, mais je voudrais toujours m'enraciner en toi. Alléluia. Thank you, Jesus. Hosanna! Hosanna! Hosanna dans les lieux célestes! Hosanna! Hosanna! Hosanna dans les lieux saints! Tous ensemble, est-ce que on peut dire Hosanna? Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux saints. Alléluia. Hosanna, Hosanna, oh non. Yeah. Thank you, Jesus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, oh Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Merci Seigneur. Fermez les yeux, on va prier. Seigneur, nous te remercions ce matin pour cette grâce que nous avons chaque semaine, chaque dimanche, pour recevoir la parole. Seigneur, ce matin, pitié de nous. Nous avons que toi comme Seigneur, comme Sauveur. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne-nous, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous prions pour nos cœurs ce matin. Seigneur, que ton esprit dispose bien nos cœurs pour recevoir ta parole. Seigneur, merci. Touche-nous par la parole. Bénis-nous, Seigneur. Merci une fois, Seigneur. Au nom de Jésus, et tout le monde dise Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Ce matin, je suis content de te voir spécialement. De te voir, alléluia, ici. Et je pense que le Seigneur va bénir ta vie ce matin. Alléluia. Et bien, nous sommes toujours dans ce livre. Alléluia. Je pense que si tu n'as pas encore acheté ce livre, cherche à acheter. Alléluia. Amen. C'est un bon livre pour un chrétien. Alléluia. C'est un livre pour les chrétiens réels. Les vrais chrétiens. Alléluia. De nos jours, je peux dire pour des chrétiens anciens. Les chrétiens de nos jours n'aiment pas voir certains sujets. Alléluia. Mais des vrais chrétiens aiment certains sujets dans la Bible. Alléluia. Et donc, ce livre nous ramène à ce qui consiste la chrétienté. Alléluia. Et donc, si tu n'as pas encore acheté, il y a toujours des copies, je pense. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'il y a des copies? Pardon? Le stock est terminé. Donc, si vous avez besoin de ce livre maintenant, vous allez acheter à 35 Ghana Cedi. C'est ça, non? Yeah, parce que on peut plus attendre. Le temps est passé. Le temps pour 15 Ghana est passé. Alléluia. Yeah. Et donc, c'est important, alléluia, pour toi d'avoir une copie. Et lorsque tu lis, tu seras béni. Alléluia. Et donc, on va continuer. Aujourd'hui, on va voir chapitre 16. Chapitre 16. Alléluia. Mais est-ce que vous lisez le livre là à la maison? Parce que je prêche, je prends un chapitre, je ne finis pas. Je vous amène à continuer. Alléluia. J'ai introduit le chapitre, j'ai introduit le chapitre et vous devez normalement aller continuer, lire et relire. Alléluia. Et vous serez noble. Noble. Amen. Et vous serez sage. Alléluia. Et Ecclésias chapitre 3, verset 2. Le temps pour arracher ce qui est planté. On va lire. Est-ce qu'on peut ouvrir la Bible à Ecclésias chapitre 3? Ecclésias Ecclésiaste chapitre 3. Verset 1. OK, tout le monde, Ecclésiaste chapitre 3. Tout le monde prend ta Bible. Hein, ceux qui n'amènent pas leur Bible parce qu'ils savent que les versets sont dans le livre. Là. Hein? C'est fini. Oh. À partir de la semaine prochaine, c'est fini. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Un temps pour toute chose sous les cieux. Un temps pour naître. Un temps pour mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Alléluia. C'est pourquoi parfois, lorsque quelqu'un pleure, il faut laisser la personne pleurer. Parce qu'il y a un temps pour pleurer. Mais aussi, il y a un temps pour rire, parce que tu ne dois pas pleurer pour... Hein? Pour forever, c'est ça. Alléluia. Un temps pour se lamenter. Un temps pour danser. Un temps pour lancer les pierres. Un temps pour ramasser les pierres. Alléluia. Un temps pour embrasser. Un temps pour s'énoyer des embrassements. Un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Alléluia. Lorsque tu sais quoi, tu perds quelque chose. Ah, mais ça fait partie. Alléluia. Il faut dire que comme chrétien, tu ne dois pas perdre. Tu vas perdre certaines choses. Alléluia. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Un temps pour jeter. Un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Un temps pour parler. Un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Quel est l'avantage? Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Alléluia. Il fait toute bonne chose en son temps. Même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu faite du commencement jusqu'à la fin. Alléluia. Donc, comme le premier verset dit, il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Donc, ce matin, nous allons regarder quels sont les quelques temps importants qui sont dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Et donc, nous devons être conscients de ce temps. Alléluia. Sinon, on va rater beaucoup de choses comme chrétien. On va rater, tu vas rater ce que Dieu a préparé pour toi. Parce qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps pour tout. Par exemple, les jeunes. Je te dis, c'est cette période de ta vie. C'est pourquoi? C'est pour les études. Ou bien, yeah. Si tu as 20 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, c'est pour les études. Alléluia. C'est pour les études. C'est pour les études. Alléluia. Yeah. Et ce que tu fais maintenant va déterminer comment tu vas vivre le reste de ta vie. Si tu blagues avec les études maintenant, tu vas souffrir un jour le reste de ta vie. Alléluia. Il faut aller demander ceux qui sont déjà 50 ans, 60 ans. C'est pourquoi parfois certains d'entre vous, vous allez à l'école avec ceux qui sont vieux. Ou bien, ceux qui ont 60 ans, 50 ans, tu te poses la question, ah mais, si il a 60 ans, il va en retraite, pourquoi il fait maintenant le diplôme là? Il va faire quoi avec le diplôme? Alléluia! Parce que le temps de l'étude, la personne n'a pas eu l'opportunité. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Et donc, ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité de venir ici à Accra pour apprendre l'anglais et autre chose. Et donc, si tu as l'opportunité d'apprendre ou bien de venir au Ghana pour faire les études, ne fais pas des bêtises, ne perds pas ton temps. Ne va pas en célébration, de célébration en célébration. Ne va pas de boîte de nuit en boîte de nuit. Est-ce qu'il n'y a pas de boîte de nuit dans ton pays? Pourquoi tu dois venir à Accra pour boîte de nuit? parce que tu as oublié que c'est l'étude, le temps maintenant. Il y a un temps pour tout. Lorsque tu blagues et tu n'as pas un bon diplôme, tu vas te battre. Tu vas te battre. Tu vas te battre le reste de ta vie. Alléluia. Et tu es béni. Quelqu'un peut payer pour ta scolarité. Hein? Il faut demander à certaines personnes. On paie un à deux ans, puis on dit que l'argent est fini. C'est comme le temps d'études, là, ça finit. Oh. Vous ne savez pas. Donc, si tu as l'opportunité maintenant d'aller à l'école, il ne faut pas perdre le temps. Parce que lorsque le temps passe, lorsque l'argent finit, lorsque papa est en retraite, on va voir que ce n'est pas aussi facile. Pas aussi facile. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu vas faire un an ou bien 6 mois, un an pour l'anglais, tu fais tout et tout pour l'avoir un an ou bien 6 mois là pour faire l'anglais et pour commencer à faire autre chose. Tu vas faire 2 ans pour l'anglais, 3 ans pour l'anglais et puis les autres formations. Le temps passe. Oh, 3 ans maintenant, papa, j'ai fini l'anglais. Papa dit, oh, moi aussi, je suis en retraite. Donc, le temps est passé. Le temps est passé. Le temps est passé. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Alléluia. La Bible est réelle. Et la Bible est courante. C'est ça, non? Courante. C'est pour la vie maintenant. C'est pas pour la vie ancienne. Alléluia. Amen. Dans le premier temps qu'on va voir, il y a le temps de votre naissance. Alléluia. Il y a Ecclésiastes chapitre 3, verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Alléluia. Genèse 18, verset 14. Est-ce quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Au temps fixé, je reviendrai vers toi en fonction du temps de la vie. Et Sarah aura un fils. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé que je reviendrai vers toi en cette même époque, et Sarah aura un fils. Alléluia. Le temps de la naissance. Alléluia. Comme chrétien, tu ne peux pas dire que les choses qui se passent dans ta vie sont au hasard. Il y a un temps. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps. Si tu es né à cette période, c'est parce que c'est déterminé que tu sois né à cette période. Alléluia. Et tu dois reconnaître aussi les personnes qui sont aussi nées à la même période. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu rencontres quelqu'un, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est déterminé que vous soyez né aux mêmes périodes ou bien époques pour que vous rencontriez. Alléluia. Pour quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important le temps où la personne est, la période dans laquelle tu es né. L'époque, on dit époque. Époque, période, génération. Alléluia. Par exemple, lorsque tu prends, par exemple, le groupe de ceux qui chantent là. Pourquoi que ce n'est pas hasard? Au pasteur dit, OK, toi, va ici, tu viens ici. Non, ce n'est pas par hasard. Vous êtes né et c'est déterminant que ce moment, vous tous, vous soyez, le groupe là, soit ensemble pour chanter. Donc, tu ne reconnais pas que cette personne est dans ma vie pour quelque chose de spécial, bien quelque chose de divin, bien de divine. De divin, bien de divine. De divin. Ah, de divine. De divine. De divin, bien de divine. Les francophones. Pardon? Ça dépend, c'est féminin ou bien masculin. Sorbonne? Tu es sûr? Alléluia. C'est quelque chose que Dieu a déterminé. Alléluia. Que Dieu a déterminé. A déterminé. C'est pourquoi je dis que ne laisse pas quelqu'un t'empêcher de servir le Seigneur. Parce que bien que vous êtes dans la même période, tu auras quelqu'un, l'ennemi aussi va préparer quelqu'un pour t'empêcher de recevoir ou bien de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Dans la même période. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Donc si tu connais quelqu'un, ou bien quelqu'un, tu es proche de quelqu'un, il faut voir qu'est-ce que Dieu a préparé pour cette relation. Je ne parle pas de relation mari et femme, non. Relation simple avec quelqu'un. Alléluia. Moi, je suis sûr, persuadé que Stéphane est là, est né même période, et que nous soyons ici à Belling, même période. Yeah. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par hasard. Si quelqu'un est venu t'appeler pour venir à l'église, c'est déterminé. Ce n'est pas par hasard. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dans la période dans laquelle tu es né, c'est très, très important. Alléluia. C'est très, très important. Donc, il faut reconnaître le temps pour naître et le temps pour mourir. Alléluia. Amen. Il y a le deuxième temps, moment. Il y a le moment de votre décès. Le temps pour naître et le temps pour mourir. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour mourir. Oh. On ne peut pas échapper. C'est un rendez-vous programmé, hein? Déterminé, un temps pour mourir. Alléluia. Vous êtes calme. Avoir peur. Un temps pour mourir. Le chrétien meurt. Hein? L'année passée, on avait Evelyne était allongée ici. Hein? Elle avait juste combien? Moins de 30 ans. Yeah. Un temps pour mourir. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? C'est ça même. Un temps pour mourir. Waouh. Le chrétien va mourir. Alléluia. Mais pour le chrétien, c'est le corps qui meurt. Yeah. C'est le corps. Parce que nous sommes tous des esprits. Alléluia. Car je suis maintenant prêt à être offert. Et le moment de mon départ est à portée de main. C'est Paul qui parlait à Timothée. Le décès. Alléluia. Yeah. Yeah. Est-ce que vous êtes avec moi? Yeah. Hier, j'écoutais un message et puis l'évêque disait, il y avait un gars, un jeune gars, 35 ans. Alléluia. Il était, je pense, avocat ou bien quelque chose comme ça. Et puis il était malade à l'hôpital, alité. Une maladie qu'on ne peut pas guérir. Incurable. C'est ça, non? Yeah. Incurable. Sur le lit de l'hôpital. Et il est en train de faire une promesse à Dieu. Seigneur, si tu me guéris, je veux te donner toute ma vie. Yeah. Et l'évêque disait que le gars-là, on dit viens à l'église. Fais quelque chose pour Dieu. Blaguer. C'est comme de la blague. C'est comme de la blague. Mais lorsqu'il était sur le lit, c'est même que la réalité de faire quelque chose pour Dieu était devenue claire. Alléluia. Vous voyez, nous sommes en train de... Vous avez beaucoup de projets. C'est vrai ou bien c'est faux? Il y a beaucoup de projets. L'école, diplôme, quoi encore? Mariage, ça c'est numéro un. Les jeunes, diplôme, mariage, quoi encore, boulot, famille, quoi, pour l'argent, hein, construire, voiture, voyage, enfant, quoi, un pierre, et quoi, le quoi? Le gain. L'argent. Ah, ok. Alléluia. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Yeah. On a beaucoup de projets. Et Dieu va t'aider à accomplir tes projets. Au nom de Jésus. Yeah. Tout ce que tu planifies, c'est seulement que le temps n'est pas arrivé parce que c'est un temps pour tout. Ou bien? Il y a un temps pour tout, tu vas trouver de l'argent. Tu vas te marier, ou bien? Yeah, pourquoi tu te gênes? C'est c'est pas, ça ne doit pas être un souci. Tu vas te marier. Tu vas trouver un boulot. Tu vas finir l'école. Ou bien, yeah, tu vas réussir. Tu auras un bon boulot. Il y a des DG ici. Il y a des businessmen ici. Yeah. Qui vont financer l'œuvre de Dieu. Yeah. Vont aller vers leur pasteur. Pasteur, quel est le projet, le prochain projet? Dis-moi seulement. Yeah. Yeah. Vous êtes des grands hommes de grands hommes. Yeah. Grands hommes. Je dis ça, c'est une prophétie pour toi. Yeah. Yeah. Il faut faire des amis maintenant. Il ne faut pas faire des ennemis ici, des amis. Parce qu'un jour, tu vas amener ton contrat. Tu vas voir le contrat dans les journaux et tu vas, enfin comment, postuler au contrat. Grand contrat, des milliers de dollars. Et puis tu arrives, c'est Johan qui se présente. C'est lui qui va approuver. Et puis lorsqu'on était à Belenkpe, lorsqu'il te salue, même tu ne réponds même pas. Et il te connaît. Et il se rappelle. Il dit, mon frère. Tu es ici? Pourquoi? Attends un peu. Tu vas voir que les relations sont très, très importantes. Dans cette vie, il y a des relations. À un niveau donné, ce n'est pas ta qualification. C'est des relations. Il y a certains boulots même, c'est des relations. Qui tu connais? Et tu vas voir que vous êtes de même génération. Même génération. Et donc, lorsque tu es directeur de quelque chose et tu vas avoir un autre directeur, tu risques de rencontrer le même, ton voisin de même génération. Ou bien, Donc, les relations sont très, très importantes. Alléluia. C'est pourquoi on encourage beaucoup de personnes à aller à l'université parce que tu vas avoir de même génération. Et vous aurez presque les mêmes statuts de vie. Donc, lorsque tu es quelque part, tu vas dans un autre environnement, tu ris de rencontrer quelqu'un que tu as vu à l'université. On encourage, va à l'université, parce que c'est ça qui détermine là où chacun va être. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très très important. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu es en train de dire non, beaucoup de projets, beaucoup de choses on veut accomplir. Et le Seigneur, comme chrétien, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. C'est juste le temps. C'est juste le temps. Ça va arriver. Live and Khaled. Alléluia. Mais, lorsque tu arrives à la fin de ta vie, tu vas réaliser que ces choses ne sont plus importantes. Ou bien, c'est ça, décès. Les choses-là ne sont plus importantes. L'argent, la voiture, parce que le gars qui était, il avait 35 ans. Tu es bien riche. Il était bien riche. Mais il a dit, Seigneur, lorsque tu me guéris, lorsque tu me fais lever, je me lève sur ce lit, je vais à la maison. Seigneur, je veux te donner toute ma vie. Je veux faire l'œuvre. Il a oublié son business. Je veux faire l'œuvre. Je veux faire quelque chose pour toi. Même si ça plaît tant. Il a dit, même si ça plaît tant. Il veut être à plein temps, travailler pour Dieu. Au lit, à la fin de ta vie, de sa vie. Et il faut aller lire. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit beaucoup de choses à la fin de leur vie. Et ce qu'ils ont dit, ça concerne l'éternité. Ça ne concerne pas leur femme. Ça ne concerne pas leurs enfants. Ça ne concerne pas leur richesse. Ça concernait l'éternité. Est-ce que vous comprenez? Donc, le jour du décès, on doit se préparer pour ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alors que nous sommes en train d'accomplir nos projets, on ne doit pas oublier qu'il y a un temps de décès où tout ce que nous sommes en train de chercher dans cette vie ne sera plus utile. Alléluia. L'homme riche et Lazare, lorsqu'il s'est retrouvé dans l'enfer, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, il est devenu évangéliste. Allez dire à mes frères. Et c'est ce que Dieu, c'est ce que nous devons faire maintenant. Parce que lorsque tu meurs, c'est fini. Tu ne peux plus dire à tes frères. Tu ne peux pas aller dire à tes voisins. Tu ne peux plus, c'est fini. C'est pourquoi on dit, reste in peace. C'est ça, non? Reste in peace. En français, c'est quoi? Repose-toi en paix. C'est fini. C'est fini. On se repose. Alléluia. Amen. Donc, il y a un jour de décès que tout le monde va partir. Alléluia. Hein? C'est parce que des temps différents sont autorisés à chacun d'entre nous, hein? Page 123, hein? Que le concept de mon temps et ton temps sont en jeu. Le temps de Jésus est différent de ceux des apôtres. Alors, Jésus leur dit dans Jean chapitre 7, verset 6. Jean chapitre 7, verset 6. Ceux qui n'ont pas le livre, prenez Jean chapitre 7, verset 6, qui dit, Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est déjà prêt. Le monde ne peut vous haïr, mais il me haït. » OK? Il me hait. Oh, hey, hey, hey, hey. Il me hait, OK? « Parce que je dois lui témoigner de ses œuvres, hein, de ses œuvres sont mauvaises, OK? Que ses œuvres sont mauvaises. Allez, rendez-vous à cette fête. OK? Je ne m'y rends pas pour l'instant parce que mon temps n'est pas encore arrivé. » Alléluia. Yeah. Vous allez voir que le temps de ton décès est différent de tout le temps de du décès de l'autre personne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Le temps de ton décès. Peut-être que certains d'entre nous ont seulement un an ici. C'est une réalité. Le temps que Dieu a, c'est un an. Peut-être que même cette année. Yeah, c'est une réalité. Je suis pasteur, je dois te dire. Ce n'est pas une malédiction, c'est ce que Dieu a déjà déterminé. Certains d'entre nous, on a 50 ans. Encore. Alléluia. Amen. Il faut ajouter 60 ans à ton âge et puis voir combien d'années tu auras. Il faut ajouter 60 ans. 60 ans plus, combien? Tu auras combien d'années? Oh là là! Elle sera vieille comme ça. Maman Golden. Yeah. Il y a certains qui vont ajouter encore 70 ans à leur âge. Il y a certains 5 ans. Il y a certains 20 ans. Alléluia. Donc ne sont pas. On n'a pas les mêmes temps de décès. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque tu vois quelqu'un, tu es en train de faire des bêtises avec quelqu'un, peut-être que lui, là, ce sont 10 ans encore. Alors que toi, tu as 3 mois. Là, il faut faire attention parce que nous sommes différents. Ce n'est pas les mêmes. Yeah. Rarement que tu vas voir que un mari et sa femme sont meurent au même jour. Rare. C'est très rare. Alléluia. Vous êtes avec moi. Dans le temps, lorsque tu as quelqu'un t'engage dans un péché, il faut savoir que, allez, peut-être mon temps c'est demain. Et lui, il a 10 ans encore, bien 20 ans. Donc je dois faire attention avec lui. Alléluia. Est-ce que c'est une réalité qui est claire ce matin? C'est très clair, très clair, très clair, très clair. C'est rare de voir des jumeaux mourir le même jour. Donc il faut faire attention. Alléluia. Dans le temps de ta naissance, le temps de ton décès. Amen. Yeah. Le temps de ton salut. Yeah. Le temps de ton salut. Yeah. On dit souvent que le salut est plus facile. Lorsque tu es jeune, yeah, parfois c'est plus facile. Parce que lorsque tu es vieux, tu vas faire beaucoup d'analyses. Amen. Yeah, beaucoup d'analyses. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, 2. Car il dit, je t'ai entendu, laisse-t-on, je t'ai entendu l'instant favorable, et le jour du salut, et je t'ai secouru. Voilà, l'heure est venue de m'accepter. Voici maintenant le jour du salut. Waouh! Quelqu'un est ici, ton jour de salut, c'est aujourd'hui. Ah. Et lorsque tu rates, c'est fini. C'est fini. Peut-être que d'autres personnes vont te parler, mais c'est, tu ne, à ce temps-là, c'est fini. Tu n'auras pas, tu ne peux plus accepter. Le temps du salut, le temps du salut. Yeah, le temps du salut. Yeah. Le temps du salut. Moi, j'étais né dans une forêt. J'étais né de nouveau dans une forêt, quelque part. C'est comme Asimota Forest. Yeah. J'étais né, j'étais malade, et puis ma mère m'a amené. Je n'étais pas chrétien. On m'a amené pour la prière. Puis lorsqu'on est arrivé, on m'a posé la question. Je ne comprenais rien. Et que tu es né de nouveau, je dis, oh, je ne sais pas ce que. J'ai dit, ok, si c'est pour me guérir, pourquoi pas? Non, mais vous voyez, le salut, hein, la plus, beaucoup d'entre nous, le premier jour, ne comprennent rien. Ne comprenaient rien. Rien compris. On dit, ok, c'est Dieu. Si c'est Dieu, ok, Seigneur. J'ai accepté ça. On a payé pour moi. Est-ce que vous comprenez? Yeah, donc, le jour de ton salut, le salut, lorsque tu as l'opportunité de recevoir le salut, ne refuse pas. Refuse pas. C'est une opportunité. Yeah, c'était bon, on est venu à la maison, t'as parlé, tu as refusé. T'as refusé. Yeah. Hein? Si tu es sauvé ce matin, il faut remercier Dieu. Et il ne faut pas prendre ça à la légère. Yeah. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yeah. On va penser à la légère. Wow. Dieu a ignoré, page 124, okay, les péchés du peuple, car le temps de la repentance et du salut n'était pas arrivé. Okay? Actes chapitre 17, verset 30 et 31. Actes chapitre 17, verset 30-31. Et le temps de l'ignorance venu, Dieu cligna l'œil et ordonna à tous les hommes de se repentir maintenant, car il est fixé un jour au cours duquel il jugera le monde avec justice. Par cet homme qu'il a ordonné, bien qu'il ait donné l'assurance à tous les hommes, qu'il les ressuscitera d'entre les morts. Alléluia. Il y a un temps, hein, pour être né de nouveau. Il y a un temps où le Seigneur t'appelle au salut. Ne refuse pas. Alléluia. C'est la même chose, un temps pour la repentance. Hein? La repentance. Un temps pour faire un demi-tour. Alléluia. Certains d'entre vous n'êtes pas sur la bonne voie ce matin. C'est ce matin, c'est un temps pour se repentir. Alléluia. Un temps pour se repentir, recevoir le Seigneur Jésus comme ton sauveur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là. Le temps de la maturité. Wow. Maturité. Wow. Hébreux 5, verset 12. Vous, en effet, depuis longtemps, devriez être des maîtres. Mais vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles. Oracles de Dieu. Vous êtes encore venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Waouh! Lorsqu'on est de nouveau, on doit grandir. Alléluia! On doit grandir. Ou bien, yeah, nous devons grandir. Nous devons grandir. Alléluia! Yeah. Par exemple, un enfant qui est né, à 4 semaines, l'enfant, hein, est censé reconnaître la voix de sa mère. Yeah. À 4 semaines, à 6 semaines, elle est censée, ou bien il est censé sourire à son père, ou bien à sa mère, un sourire. Amen. Il y a ces différentes étapes, aide à voir s'il y a rien d'anormal avec l'enfant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? À quatre mois, vous êtes senti bien, l'enfant est à mesure de rouler. Hein? De rouler sur la... son lit. À six mois, OK, elle doit s'asseoir. Hein? Et il doit s'asseoir lui-même, lui-même, avec une petite assistance. Ça à quel a six mois. Il y a un enfant. Donc, si à six mois, l'enfant n'arrive pas, donc, yeah, c'est comme il y a un problème. Ou bien, est-ce que vous avez, vous ne savez pas. Vous n'avez pas d'enfant, donc vous ne savez pas. OK. OK. Donc, vous êtes en train d'apprendre. Vous ne savez pas. Vous êtes en train d'apprendre. À sept mois, l'enfant doit commencer à, comment dire quoi? À ramper. À neuf mois, être capable de se tenir debout. Yeah? À neuf mois. Donc, si à neuf mois, l'enfant n'arrive même pas à s'asseoir, il y a un problème. Yeah? À douze mois, un an, l'enfant doit faire quoi? Commencer à marcher. Yeah? Commencer à marcher. Donc, à un an, l'enfant n'arrive même pas à se lever. Tu dois commencer à voir le médecin. À demander qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Yeah? De la même manière, dans l'église, lorsque on devient chrétien, on est né de nouveau et on n'arrive pas à faire certaines choses, hein, durant un moment, on commence à se poser des questions. Et parfois, ça crée beaucoup de problèmes. Yeah? Ce sont ces personnes qui créent des problèmes à l'église. Yeah? Ce sont ces personnes qui créent des problèmes à l'église. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah? Yeah? Beaucoup. Et la fois passée, je vous ai dit, l'une des choses qui nous aide à savoir que, ah, maintenant, tu es en train de grandir. Hein? Au stade ou bien à l'étape de maturité. Lorsque tu peux enseigner. C'est simple, lorsque tu peux enseigner. Hein? Tu es là depuis deux ans, tu ne peux même pas prier. Il y a un problème. Tu vas toujours gêner les gens qui sont autour de toi. Ou bien, il y a... À deux ans, bien un an, tu n'arrives même pas à lire la Bible. Tu ne lis pas la Bible chaque jour. Il y a un problème. Il y a un an qui ne peut pas se lever pour marcher spirituellement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. À cinq ans, tu n'es pas leader dans l'église. Tu ne peux pas enseigner quelqu'un. Tu ne peux pas aider les autres personnes. Tu appelles toujours. On doit toujours au secours. Il y a un problème. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Yeah. Ici, on enseigne. Après un an, tu dois pouvoir enseigner. Après un an, tu dois pouvoir enseigner. Tu dois pouvoir avoir une, deux personnes à qui tu donnes un soin spirituel. Tu peux prier pour ces personnes. Tu peux les visiter. Tu peux les aider. Tu peux expliquer quelques versets. À un an, après un an. Donc, si tu as déjà fait un an et puis tu n'arrives pas, donc il y a un problème. Il y a un problème. Yeah. Et vous voyez, c'est ça qui aide l'église. C'est ça qui nous aide. Parce que après un an, deux ans, tu n'es pas à ce stade. Ce sont ces gens-là qui critiquent. C'est ces gens-là qui créent des confusions. C'est ces gens-là qui créent des divisions. C'est ces gens-là qui sont facilement offensés. Yeah. Mais lorsque tu te mets à l'œuvre, tu vas voir que c'est pas la manière. Tu vois que ce que la personne a fait, c'est pas aussi facile. Et tu vas reconnaître la contribution des leaders de l'église. Vous êtes avec moi? Vous comprenez ce que je dis? Donc après un an, deux ans, au plus tard, peut-être que, parce qu'on n'est pas au même niveau, peut-être que après deux ans, tu dois être un leader. Leader qui peut pas officiellement même, mais on ne doit même pas t'appeler berger. Tout simplement chrétien. Mais être berger, c'est officiel, c'est un titre. Tout chrétien doit pouvoir, après deux ans, doit pouvoir avoir certaines personnes. Tu appelles, oh, tu viens aujourd'hui. Tu vois un nouveau qui est à l'église. Tu vois, oh, cette personne a besoin de quelque chose. Je peux l'aider. Tu l'appelles. Viens, je vais t'amener à l'église. On va aller ensemble. Viens, on va aller jeûner ensemble. Viens, on va prier ensemble. Viens, on va aller à l'église. Viens, réunion de prière, viens. Tu peux expliquer pourquoi la personne doit jeûner. Pourquoi la personne doit prier. Pourquoi la personne doit venir à l'église? Tu dois pouvoir expliquer à la personne. Ou bien, yeah, c'est ça la chrétienté, c'est ça la maturité chrétienne. Donc, si tu n'as pas assez tassé, il y a un problème. Il y a un problème, comme un enfant. Un an, tu n'arrives pas à marcher. On doit toujours prendre ta main pour que tu puisses te tenir debout et puis venir à l'église. Hein? Après deux ans, on t'appelle toujours. Après deux ans, tu ne peux pas te lever de ton lit, te laver et dire que je vais à l'église. Après deux ans. C'est comme un enfant. Alléluia. Donc, il y a un temps de maturité. Après ton salut, tu dois grandir spirituellement. Yeah. Parfois, les gens confondent les deux. L'âge physique, c'est ça, non? L'âge physique, bien l'âge naturel. L'âge quoi? Physique? Ton âge, ok, ton âge. Avec l'âge, quoi? L'âge spirituel, bien l'âge quoi? L'âge du corps et l'âge de l'esprit. Ah, c'est ça. L'âge du corps et l'âge de l'esprit. Les gens viennent, moi je suis âgé plus que tout le monde ici. Personne ne peut me commander ici. Ou bien, yeah. Parfois les gens confondent l'âge que la personne passe à l'église et l'âge, son âge, l'âge du corps. Ou bien l'âge spirituel. Il dit, ah, moi je suis là il y a 5 ans. Toi tu viens d'arriver, man, tu ne peux pas me parler ainsi. Moi je connais tout alors que tu ne connais rien. Yeah. Yeah. C'est ça qui crée des problèmes, parce que lorsque les jeunes viennent après 6 mois, un an, veulent faire quelque chose, commence à dire ok, on te dit ok, cette personne va prendre soin de toi. Tu dis ah, moi je suis là il y a 5 ans, là il vient d'arriver, comment est-ce qu'il peut prendre soin de moi? Parce que tu n'as pas grandi. Parce que normalement toi-même tu dois avoir certaines personnes avec qui tu les aides. Ou bien, yeah. C'est ça qui crée des problèmes. Et ces personnes sont là, toujours. Yeah. Donc, il faut voir combien de temps tu es né de nouveau. Combien de temps tu as déjà fait? 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Wow. Où sont les personnes à qui tu donnes des soins spirituels? Tu dois te poser des questions. Alléluia. Yeah. Ah, parfois, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Matthieu 26, verset... Matthieu 28, verset quoi? 18, 19, 20. Ah, je vous donne le pouvoir. Allez, faire des disciples. Alléluia. Gagnez les âmes. Et enseignez-les à observer les commandements. Ah, gagnez, allez, gagnez. Tu dois pouvoir évangéliser. Alléluia. Maturité, tu dois pouvoir évangéliser, parler de quelqu'un, parler à quelqu'un de Jésus. Ou bien, yeah, maturité. Donc, si tu n'arrives pas, il y a un an, tu n'arrives pas, il y a un problème. Il y a un problème de maturité. Alléluia. Waouh. Waouh, vous êtes bénis ce matin. La manière dont vous me regardez là, vous êtes calme. Vous êtes calme. Wow. Il y a le temps de l'onction, le temps de la fécondité. Vous savez, nous qui sommes ici, tout le monde ici, ton temps de fécondité, c'est maintenant. Hein? Ce n'est pas la fécondité biologique. Papa, il dit biologique. On dit, ah, aujourd'hui, on est allé à l'église, le message, c'est fécondité. Donc maintenant, je vais voir qui est-ce que je peux féconder. Qui est-ce que je peux féconditer? Alléluia. Yeah. Fécondité, porter de fruits. Alléluia. Yeah. Porter de fruits. Hein? J'ai lu quelque chose là, j'avais peur. Lorsque Dieu attend que tu portes de fruits et tu ne portes pas de fruits, tu risques d'être maudit. Yeah, parce que Jésus a fait la même chose. Ou bien, yeah. Jean, Marc chapitre 11, verset 13. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il est venu. Si par hasard, il trouverait quelque chose, et quand il est venu, il n'y trouva que des feuilles, car la saison des figuiers n'était pas encore arrivée. Et Jésus répondit et dit à elle, c'est ça, personne ne mange de ton fruit pour toujours. Et cette disciple l'ont entendu. OK? Donc toujours verset 20. Et le matin, comme il passait, il vit le figuier sécher jusqu'aux racines. Et Pierre dit, appelle à sa mémoire, mais voilà le figuier que tu as maudit est disparu. Pourquoi il a maudit? Parce que le jour là, lorsqu'il est arrivé, il attendait à avoir des fruits. Mais là, on a dit, mais il y a pas, c'est pas la saison. Mais est-ce que les figuiers n'ont pas beaucoup de saisons? Beaucoup de saisons sont passées. Et la saison là, il y avait une saison, n'est pas encore arrivée. Alléluia. Donc normalement, on ne doit pas attendre des fruits. Mais Jésus a maudit. Parce que le temps est passé. Et là, le figuier n'a pas porté de fruits. Alléluia. Nous serons maudits. Peut-être qu'on ne peut même pas relier ça au fait qu'on devait normalement porter des fruits pour Dieu. Lorsque la maladie arrive, tu n'auras même pas. Tu ne peux pas même relier ça. Que cette malédiction-là, la chose-là qui m'arrive là, peut-être que je n'ai pas porté de fruits. Oh là là. C'est grave. C'est sérieux. It's serious. Very serious. Hébreux chapitre 6, verset 7. Hébreux chapitre 6. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Waouh, c'est ça. Lorsqu'on attend, tu dois produire. Il y a tellement. Chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, va évangéliser. Le Seigneur t'a appelé pour faire quelque chose pour lui. On a arrosé beaucoup de pluie. C'est la pluie qui tombe aujourd'hui là. La parole de Dieu, c'est la pluie qui tombe, qui t'arrose pour que tu reçoives une parole. Et tu commences à porter de fruits. Et le temps là passe. Beaucoup d'entre vous, le temps va passer où? Vous allez retourner au pays. Est-ce que vous allez porter de fruits? Est-ce qu'on va voir le fruit de toutes les paroles que vous avez reçues ici? Alléluia! Vous risquez d'être maudit. Waouh! Ça, c'est grave. C'est grave, oui. C'est grave. Mais tu peux porter de fruits. C'est le temps de la fécondité pour nous. Parce que nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Alléluia! Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. Jeudi passé, je disais, tout le monde ici doit être missionnaire lorsque tu retournes dans ton pays. C'est toi qui dois aller prêcher. Comment est-ce que les Ghanéens doivent aller dans ton pays pour évangéliser alors que tu es là, tu parles le français et tu parles ta langue maternelle? Comment est-ce que ce sont les Ghanéens qui vont aller au Tchad? C'est les Ghanéens que nous avons envoyés ici, l'évêque a envoyé ici au Tchad. Un pays lointain. Un pays de désert, parti désert, je ne sais pas. Oui. Un pays où ils ne connaissaient personne. Ils ne connaissaient personne. Ils sont allés. Pourquoi tu dois rester ici? Et puis on va envoyer des Ghanéens qui vont aller au Niger, qui ne comprenaient pas l'anglais. Maintenant, ils parlent l'anglais. Pourquoi tu es Congolais et puis c'est nous qui devons envoyer les Ghanéens d'ici aller au Congo? Alors que tu parles français et puis ta langue maternelle. Gabon, c'est les Ghanéens qu'on doit envoyer ici. Au moins, il y a des Gabonais qui ont commencé. Il y a des Gabonais qui ont commencé au moins. Comment est-ce que Béninois, c'est nous qui devons envoyer les Ghanéens au Bénin pour prêcher la parole de Dieu, alors que nous sommes en train de t'arroser ici? Vous comprenez ce que je dis? Comment est-ce que ce sont les Ghanéens qu'on doit avoir au Mali? Je disais un avocat. Une avocate. On dit une avocate? Une avocate. Une dame qui travaillait à Londres. Dans les quoi là? Dans les... Comment on l'appelle? Là où il travaille. La cour judiciaire. À Londres. À Londres. Elle travaille là-bas. Ghanéenne. On l'a envoyée au Mali. Avec son mari. Un jour, l'évêque disait, ils étaient au camp, elle était dans le camp. Et puis, son boss, le juge même l'a appelé. Tu es où? Je dis, oh non, je suis quelque part. On dit, viens, on a besoin de toi dans la cour judiciaire. Il dit, non, je ne peux pas venir, je suis quelque part. Yeah. C'est elle que l'évêque a envoyée au Mali. Elle a laissé tout l'argent, elle a laissé le pan-stellin. Pan-stellin, pour venir CFA de Mali. Pourquoi vous êtes francophone et ce sont les Ghanéens qu'on doit avoir dans vos pays? Vous tous, vous devez retourner au pays comme missionnaire. Vous tous, allez trouver un mari, trouver une femme et commencer à être missionnaire. Ou bien? Donc nous sommes en train de vous former ici. Oh. Nous sommes en train de vous former. Si tu ne savais pas, je t'informe aujourd'hui. Je t'informe aujourd'hui. Lorsque tu retournes au pays, tu dois être missionnaire. Même si ce n'est pas officiel. Tu dois aller gagner des âmes pour Dieu. Tu dois aller faire quelque chose pour Dieu. Alors que tu es directeur général de ton entreprise, tu aussi tu travailles pour Dieu. Ou bien, c'est possible. Alléluia. Le nouveau pasteur qui est ici, là, le nouveau pasteur, ou bien même l'ancien pasteur, nous tous, nous ne sommes pas appelés tant. On travaille et puis on fait l'œuvre. Et ça marche. Le nouveau pasteur d'ici, l'anglophone, il est contractant. Il construit les routes, les maisons, tout. Mais il est pasteur. Ou bien, les pasteurs. Donc, tout le monde peut faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Même si tu es une femme ménagère à la maison. On a des gens. Tu peux faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas rester ici, recevoir toutes les paroles, toute la pluie que Dieu vous arrose, avec qui Dieu vous arrose. Et vous allez, vous êtes inutile. Amen. On ne fait rien pour Dieu. Fait rien pour Dieu. Alléluia. Donc ce que je veux vous demander, soyez disponible. Et on va vous former. Parce que je sais que tu te poses la question, hey, moi, comment est-ce que je peux? Viens, lorsque tu es disponible, on va te montrer. On va te former pour retourner, pour faire quelque chose pour Dieu. Parce qu'à la fin de ta vie, c'est ce que tu as fait pour Dieu qui est important. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas ta femme. Important. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Wow. Est-ce que vous êtes béni ce matin? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour Dieu? On peut. Même ici même. Chaque dimanche, tu dois chercher à mener quelqu'un à l'église. C'est ça. Un jour, c'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça. C'est de ça que tu vas recevoir ta récompense. C'est ça. Donc, lorsque tu viens, commence à penser aux autres. Qui est-ce que je peux amener à l'église? À qui je peux parler de Jésus? À qui je peux encourager? Alléluia! C'est ça la mentalité que nous devons avoir. À qui? Parce que c'est ça, à la fin de ta vie, tu seras très content. Mais tu as fait ce que tu dois faire. Et le Seigneur va t'attendre. Il va dire que tu as bien fait. Et tu vas te récompenser. C'est ça! Ceux qui n'ont rien fait à la fin de leur vie commencent à pleurer, commencent à avoir peur à la fin de leur vie. Ceux qui n'ont rien fait pour Dieu. Ceux qui se sacrifient pour d'autres choses. Bien, c'est bien de se sacrifier pour d'autres choses. On ne refuse pas. Mais il faut aussi se sacrifier pour Dieu, faire quelque chose pour Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Sinon, tu vas regretter. Et à la fin de ta vie, tu ne peux rien faire. Comme l'homme riche dans l'enfer, il ne pouvait, il voulait qu'on la, on l'envoie. Ou bien on envoie le pauvre Lazare pour aller évangéliser. C'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il y a un temps pour tout. Et nous avons le temps maintenant pour être fructueux, pour porter des fruits pour Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Levez-vous. Alléluia. Fermez les yeux et remerciez le Seigneur. Ce matin, certains d'entre nous devons redédier et faire certaines promesses. Je dis que Seigneur, je veux te servir. Je veux faire quelque chose pour toi. Après cette parole que tu as écoutée, tu veux dire Seigneur, je veux te donner ma vie. Est-ce que tu peux prier ce matin? Prie ce matin. Dis, Seigneur, je n'ai pas bien compris, mais ce matin, je comprends. Je comprends. Je suis en train de chercher un diplôme. Mais je veux aussi dédier une partie de ma vie pour toi. Est-ce que tu peux prier ce matin? C'est pas seulement le diplôme. Le diplôme à la fin de ta vie, c'est rien. C'est ce que tu as fait pour Dieu qui est important. Est-ce que tu peux prier? Et dis Seigneur, toi-même, prie ce matin. Ferme tes yeux, prie à Dieu ce matin. Dieu, je veux faire quelque chose pour toi. Je veux. Parce qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître. Un temps pour le salut. Un temps pour mourir. Et Seigneur, à la fin de ma vie, je ne veux pas regretter. Donne-moi la grâce pour faire quelque chose. Donne-moi la sagesse de reconnaître ma contribution que je dois à ton œuvre. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Prie que Seigneur, avec tout ce que je fais ici, avec toute la formation que j'ai à l'église, les paroles que je reçois, les instructions, Les enseignements, Seigneur, je veux retourner au pays pour faire quelque chose pour toi. Pour faire quelque chose. Même si je suis juste un chrétien qui va à l'église, je veux faire quelque chose. Je veux. Seigneur, aide-moi. Donne-moi un esprit de recevoir, de suivre les instructions. Un esprit pour suivre et pour obéir aux enseignements. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avant de s'asseoir, nous voulons prier pour toi. Je veux prier pour toi et avec toi. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Tu es là. Et tu réalises que ton temps de salut, c'est ce matin. Et tu ne veux pas rater. Tu veux prendre l'opportunité pour recevoir le salut. Parce qu'un jour, à la fin de ta vie, il y a seulement deux destinations. Le ciel ou l'enfer. Mais la Bible dit que ceux qui donnent leur vie à Dieu sont reçus par les anges. Les anges les prennent pour aller au ciel. Mais ceux qui ne reçoivent pas le salut, les démons viennent les emporter dans l'enfer. Mais ce matin, tu veux dire, Seigneur, je veux te choisir. Je veux qu'à la fin de ma vie, je vienne vers toi. Je veux te servir le reste de ma vie. Je veux te donner ma vie. Tu ne sais jamais, peut-être que c'est la seule opportunité que tu as. Même si après certaines personnes viennent, il y a des circonstances là que tu ne peux pas donner ta vie. Le jour, c'est aujourd'hui. Si tu rates, peut-être que c'est fini pour toi. C'est le jour de ton salut. Lève la main. Ceux qui ont levé la main, est-ce que vous pouvez venir devant, on va prier. Mon frère, viens, ma soeur, viens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? C'est la joie. Alléluia. Nous poussons des cris et nous acclamons parce que la Bible dit que ceux qui décident de donner leur vie, les anges célèbrent au ciel. Et donc nous voulons aussi célébrer avec les anges. C'est pourquoi nous acclamons, nous poussons des cris. Alléluia. Et donc ce matin, nous voulons tout le monde fermer les yeux. Pas de mouvement, pas de mouvement. Pas trop de mouvement, s'il vous plaît. Fermez les yeux, tout le monde. C'est un temps très important. Alléluia, parce que c'est le jour de leur salut. Et répétez après moi, ceux qui sont devant et tout le monde, dites: Seigneur, je te remercie pour le jour de mon salut. Ce matin, je reconnais que j'ai besoin du salut qui vient au travers du sacrifice de Jésus. Et ce matin, je l'invite dans ma vie, qu'il soit mon sauveur à partir d'aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, comme tu as promis dans la parole que j'ai péché. Et si je demande pardon, tu vas me pardonner. Seigneur, les péchés de l'année passée, de cette année, Seigneur, pardonne-les-moi au nom de Jésus. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, ce matin, donne-moi la capacité, donne-moi la grâce de vivre pour toi et de te donner toute ma vie. Seigneur, merci. Amen.